Alors, nous avons vu qu'il est très facile, pour le mot qui finit en « sion », de trouver le mot espagnol équivalent, comme « traduction »,« traducción », »,« condition », »,« condición », »,« confirmation », »,« confirmación », etc. Alors, « explication », ça sera « explication ». C'est ça, hein? « Explication ». Et « donner » se dit « dar ». Dar, D-A-R, dar. Donc, si vous voulez dire « pouvez-vous donner une explication ?», vous direz « puede dar una explicación ?» D'accord. « Puede dar una explicación ?» Pouvez-vous donner une explication ? Et comment direz-vous est-ce que vous voulez une explication? Quiere. Quiere, oui, encore une fois. Quiere una explicación. Quiere una explicación, oui. Et pour faire cette traduction, j'ai besoin de concentration. Para. Oui, pour, hein, para faire cette traduction. Hacer. Esta traducción. C'est ça. Para hacer esta traducción, ouais, j'ai besoin de concentration. Necesito concentración. Necesito concentración. Il n'y a pas de son en espagnol. Hein? Alors, attention à bien prononcer les N. Concentración. Concentración. Parfait, c'est ça. Concentración. Necesito concentración.